I'm not afraid of the dark. franchement, mais oui, il n'y a pas de prévention aussi. Elle ne sait pas traîner dans les bars.